Initiative populaire suisse pour la liberté et l'intégrité physique, stop à la vaccination obligatoire. En septembre 2020, lors d'une émission de SRF, le ministre suisse de la Santé, Alain Berset, s'est montré ouvert à une vaccination obligatoire, par exemple pour les infirmières des maisons de retraite et des établissements de soins. Si un soignant ne veut pas le faire, il devra travailler ailleurs, sans contact avec les personnes âgées ou d'autres personnes vulnérables. Selon Berset, ce n'est pas la même chose que la vaccination obligatoire. Il n'y aura pas de contraintes, comme si les gens étaient vaccinés contre leur volonté. Berset veut-il dire qu'il n'y aura pas de contraintes directes à la vaccination, mais une contrainte indirecte? De telles déclarations des plus hauts cercles gouvernementaux montrent que l'initiative populaire fédérale pour la liberté et l'intégrité physique, stop à la vaccination obligatoire, lancée le 1er décembre 2020 par le mouvement de liberté suisse MLS, est plus nécessaire que jamais. Le comité d'initiative comprend des personnes de tous les horizons politiques, dont des personnalités connues comme l'acteur et artiste de cabaret Marco Rima et la conseillère nationale de l'UDC Yvette Estermann. Le MLS est d'avis que chaque personne peut décider librement et sans crainte si elle veut se faire vacciner. Ce qui entre dans le corps doit pouvoir être décidé librement par chacun, sans force ni répression. Avec cette initiative, le MLS veut élargir le principe de l'intégrité physique, article 10 de la Constitution fédérale, en ajoutant les atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'une personne requièrent son consentement. Si la personne concernée refuse de donner son consentement, elle ne doit ni se voir infliger une peine, ni subir de préjudices sociaux ou professionnels. Quiconque n'est pas pour une vaccination obligatoire directe ou indirecte en Suisse est appelé à faire connaître cette initiative populaire et à la soutenir par sa signature. Les feuilles de signature peuvent être demandées sur le lien ci-dessous.